arc-en-ciel, un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est aussi ça? Bonjour à tous, il est 13h33, voilà, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel avec l'émission de l'accordoniste. Voilà, juste un instant, on a pu entendre tout simplement la valse, tout simplement la valse brune. Donc on va continuer à rester du côté de la valse avec d'autres morceaux de la valse. Et puis juste après, ça sera tout simplement André Verschuren. André Verschuren avec le titre de son titre, ça s'appelle tout simplement La Trompette Musette. Thank you.

Et puis juste après, ce sera la fiesta.

Arc-en-ciel, un amour de la femme. Ojos tiene debajo de esas ojeras, debajo de esas ojeras. Qué bonitos ojos tiene y unos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Por pobre me desprecia, yo te concedo la razón, yo te concedo la razón. Si por pobre me desprecia, no te ofrezco mi conquería, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón al cambio de mi promesa. Vos amis, je vous laisse avec la Java. La Java Marzuska. merci Jean-Pierre. On est tous solidaires. Allez, vas-y, j'y vais avec tes filles et dis-nous ton secret. Allez, vas-y, Jean-Pierre. Allez, vas-y, Poster. Comment fais-tu, j'y vais avec tes filles pour toutes les emballer? Avec le country, et puis juste après le country, on écoutera le Paso Doble. Le Arc-en-ciel, un amour de FM. avec un morceau de valse et puis juste après on écoutera de la samba. C'est aussi ça. Voici donc Isabelle, tout simplement Alain Hanché avec Brun d'amour et juste après Nella Vance. Elle est belle comme le jour, et s'en va du bonheur et les yeux. Car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas, nous tâchons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait simplement, un baiser, un serrement. Puis un soir, au faubourg, ils sont un petit peu toujours brun d'amour. Il l'appelle brin d'amour, elle sourit tout le jour, et l'on voit du bonheur dans leurs yeux. Car elle aime le beau gars qui gaiement lui prouvera que l'on est heureux quand on est deux. Je n'ai rien à vous arrivez, c'est facile comme bonjour, il suffit de trouver un brin d'amour. We'll be right back. Essentiel, un amour de la femme. je la danse avec toi tout contre moi. Y'a rien de plus beau que la rumba. Une rumba. Quand elle fait tournoyer ta robe qui s'envole, je sens mon cœur battre très fort et s'affole. Suis le rythme de la rumba. Voici donc qui s'appelle Marcel Adri, le titre Jalousie. il s'appelle Olivier Solac avec le Madison, et puis juste après, Salsa. Thank you. Essentiel, un amour de FM. Voici donc, il s'appelle tout simplement, eh bien, le titre de l'accordéon s'appelle Paris la nuit, et c'est avec tout simplement Émile Vacher, et puis juste après, c'est du pop rock. Disons, c'est du pop, tout simplement, polka, mais on écoutera plus tard, tout simplement, l'accordéon rock. Des âmes des plus chouettes, c'est à la Bastille, soirée de la Rochette, le nouveau salossier des vrais balles musettes, où jouir enfin l'eau du matin, bien voir du coquin, dans la rue de l'âme, quand vient la nuit, les pédales avancent, et glissent dans l'ombre, sans fête de bruit, qui plonge une danse. voici deux morceaux de la bande différente. Voici donc pour Véron, voici donc deux titres différents. Thank you. amour de la scène. Voici donc Jérôme Richard avec la tendelle du nuanche. We'll be right back. Voici le titre, tout simplement, il s'appelle L'accordéon a toujours raison et c'est avec Denis Salès. Et puis juste après, tout simplement, l'accordéon rock'n'roll. C'est aussi ça. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Thank you. Voilà, donc juste à l'instant, vous avez pu entendre Michael Vigneault avec Coty. Coty, juste maintenant, on écoute Benoît Chabot avec le titre qui s'appelle Mirabelle. donc le titre de l'accordéon s'appelait Le jour tout savant le jour de la Martel, voilà. Voici donc maintenant un titre avec le premier jour avec Nathalie Bernard. C'est pour toi que j'ai fait cette chanson. Il est 15h50, super, voilà, donc bien, l'émission touche à sa fin. Voilà, donc on va se terminer l'émission avec tout simplement avec ce top accordéon, avec bien sûr le medley. Et on se retrouve eh bien prochainement, donc eh bien dimanche prochain, et puis ainsi mardi, ainsi vendredi, toujours à la même heure, à partir de 13h30. Voilà, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. surtout des gazilles au monde. Queres casar comigo, vou pedir-te à tua mãe. Oh Maria, vai, oh Maria, vai. Mas eu desde já te digo, isto assim não acaba bem. Oh Maria, vai, oh Maria, vai. Maria, tens a mania e a fantasia de eu casar contigo. Se um dia me prenderes com a asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Maria, tu tens a mania e a fantasia de eu casar contigo. Se um dia me prenderes com a asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Sei que tu tens a vaidade, que por ti qualquer um cai. Oh Maria, vem, oh Maria, vai.